Et puis, la deuxième question qui, à mon avis, demande un travail plus d'ampleur et puis plus de durée ethnographique, c'est d'essayer de comprendre les ressorts de l'implication populaire. C'est-à-dire comment est-ce que des gens qui, d'habitude, ne participent pas aux mouvements sociaux, voire qui sont plutôt méfiants vis-à-vis des projets indépendantistes des syndicats, méfiants vis-à-vis de leur aspect, je dirais, contestataire ou révolutionnaire à tout craint, ont décidé de descendre dans la rue, ont décidé de les rejoindre, même si j'ai un peu une piste là-dessus, hein, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très intéressant à aller voir des militants de base et pas des responsables d'organisation qui sont rentrés de façon assez récente dans le syndicalisme après ces événements-là, parce qu'ils n'ont pas forcément tout le discours, on va dire, tout le rapport à la doctrine que peuvent avoir les militants plus anciens. Et puis parce qu'ils font plus facilement part de leurs hésitations, des choses qui les gênent un peu, qu'ils ne trouvent pas complètement cohérentes dans la pratique syndicale. Et du coup, ils ont beaucoup à dire sur la façon dont des gens ordinaires rejoignent des mouvements contestataires d'ampleur sans se retrouver complètement sur une ligne indépendantiste ou sur une ligne d'extrême gauche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va avoir du temps pour discuter maintenant sur la présentation. Et puis voilà, la parole est à Schulcher. Juste un petit mot pour dire, alors merci beaucoup hein, Pierre pour ta présentation. Alors on a commencé un peu en retard, je propose qu'on dépasse du coup l'heure peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, si ça vous va, si vous n'avez pas cours juste après, si vous voulez bien, jusqu'à 40. Comme ça, on a une quarantaine de minutes de discussion. Bon, on verra qui peut rester. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu nous excuseras, Audrey, parce que moi, j'ai proposé aux étudiants qui suivent un cours d'initiation sociaux de venir ce matin. Et je pense que certains auront des obligations. D'accord, oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui veulent. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions de votre côté? On m'a refermé, je vais faire la parole, hein, parce que je connais mes travaux bien avant le Pierre. mais je vais d'abord lui la parole pour faire sa présentation dans la salle. Pierre, est-ce que tu as eu l'occasion. Je voudrais juste rebondir là, sur les questions que tu portes en ouverture à la fin de ta publication. D'abord, merci, hein, parce que c'était d'une densité particulièrement brillante. Par rapport à tes militants des années 80, est-ce que tu as travaillé par exemple avec Jacky Dormé? Oui, enfin, c'est une personnalité donc un peu incontournable quand on se penche sur les luttes aux Antilles. Bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et de rencontrer. Oui, j'ai pu parler avec Jacky Dormé, mais c'est-à-dire que il est extrêmement intéressant sur le. Souvent, il y a des approches très très intéressantes pour comprendre un petit peu la façon dont se sont agencées ces espèces de schismes, on va dire ces espèces de clivages qui sont apparus dans les années 80 en Guadeloupe et sur lesquels il a un point de vue intéressant parce qu'il essaye de relier ça à des mutations assez profondes dans la société aux Antilles dans ces années-là. Mais du coup, ça pose toujours un petit peu un problème parce que c'est un peu, pour reprendre ces termes, les années dans lesquelles il envisage une espèce de le début d'une pacification et l'amorce de la création d'une société civile politiquement un peu plus harmonieuse aux Antilles, ou du coup en recherche d'harmonie et de paix sociale. Et ça met un petit peu en contradiction avec tout ce volet de conflictualité sociale qu'on a pu voir dans les années 2000. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une connaissance très fine de la façon dont s'agencent les rapports des syndicats aux partis politiques et à la société dans les années 80, mais que les projections politiques qu'il a un peu sur la question ne semblent pas forcément être les plus justes concernant les mécanismes d'explication de la conflictualité sociale. Quoi. Mais tu sais, c'était surtout autour de son itinéraire à lui. Quand tu dis que sont venus les militants des années 80, ouais. Jacky Dormé, intellectuel qui a quand même une large audience, enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais qui a eu une large audience en Guadeloupe, qui est allé travailler dans les champs de Cannes. Ouais. Tu vois, donc quand tu parlais tout à l'heure du rapport entre les intellectuels, la lutte politique, etc., je crois qu'il a joué un rôle important. Et moi, effectivement, il me semble que depuis les années 2000, il n'est pas aussi entendu qu'avant. Mmh. Et je vais faire un raccourci, il s'en est pris plein la figure, tu vois, autour du mouvement social de 2009, autour des revendications des Haïtiens aussi, où on l'a vraiment présenté comme le has-been. Tu vois, donc c'était autour de son itinéraire, je veux dire, tu vois, il y a peut-être des choses là à travailler au-delà de sa propre analyse, mais tu vois, son parcours à lui en tant qu'intellectuel extrêmement investi, et c'est peut-être pas pour rien qu'il fait un autre choix justement et qu'il se tourne vers l'idée de la pacification, comme tu dis, tu vois. Oui, bah, là encore, il y aurait des choses tout à fait singulières et tout à fait intéressantes à mettre en lumière du côté de ces intellectuels ou de ces militants d'extrême gauche et anticolonialistes, notamment dans la façon dont leur réflexion a pu être orientée, de la même façon que ça s'est passé un petit peu en France pour un certain nombre d'intellectuels d'extrême gauche qu'ont été recrutés soit par la social-démocratie, soit par des partis plus conservateurs. Et qui ont trouvé à un moment donné, où la lutte s'affaiblit substantiellement, sans forcément renier par ailleurs ce qu'a fait leur engagement, et puis mais décident de s'investir dans un univers différent, de porter une autre parole, une autre réflexion sur les choses, et puis de rentrer dans un, on va dire, de rentrer dans quelque chose de différent. Y compris, enfin, moi je pense qu'on ne peut pas juger ça d'un point de vue. Voilà, moral ou normatif, les gens qui se sont établis en usine dans les années 70 en France, comme ceux qui sont allés travailler dans les champs de canne, aux Antilles, alors que rien ne les prédestinait forcément à faire ça, là, quelque part, ils ont fait les choix politiques et ils ont connu les trajectoires, ils ont fait les choix qu'ils ont jugé bon par la suite. Et effectivement, mais là encore, il y aurait des similarités tout à fait intéressantes entre le parcours de gens... qui ont été des animateurs des luttes dans les années 68-70 en France et qu'on a retrouvé par la suite dans des cabinets d'expertise, dans des cabinets ministériels, comme députés européens. Pensez à Henri Weber, à Alain Guémard, à Daniel Cohn-Bendit, tout un tas de gens de cette génération 68 qui ont fait le choix, pour beaucoup, de se tourner vers des structures, on va dire des structures différentes, de participer au pouvoir ou à la compétition politique, ou d'avoir un rôle d'intellectuel, on va dire, moins organique et plus détaché des luttes sociales que ce que ça a été pendant, ce qu'ils avaient pu être pendant les années 70, quoi. C'est intéressant parce que précisément, je ne sais pas si on en avait déjà discuté, mais dans le cadre des recherches sur les mouvements assez contemporains, mouvements antillais ou d'associations d'outre-mer, etc. C'est vrai que quand on se penche sur la trajectoire d'une partie des militants qui sont sur les questions mémorielles, autour de la mémoire de l'esclavage et qui sont dans l'Hexagone, on retrouve justement des gens qui ont été étudiants, alors qui sont un peu plus jeunes, qui ont été étudiants au début des années 70, qui se sont formés, avec en plus des choses assez intéressantes sur trajectoire professionnelle et trajectoire militante, qui se sont formés avec, dans l'idée de revenir au pays, de se battre pour le pays et de faire en sorte... Enfin, avec des carrières souvent assez, assez brillantes, qui reviennent dans les années 80 et puis qui finalement repartent dans l'Hexagone avec un diagnostic qui est assez particulier, parce qu'il y a une vision qui du coup est complètement identitaire des raisons pour lesquelles ça n'aurait pas marché. Mmh. Et clairement, dans des organisations comme Comité Marche du 23 mai, on retrouve justement ces gens qui étaient dans les champs de canne à une certaine période, qui voulaient aller former considéré en tout cas comme une forme d'avant-garde, et finalement le militantisme mémoriel, il est en tout cas pour eux présenté comme une sorte de ça nous permet de finalement de pas se renier, puis finalement de trouver les solutions à ce qui a pas fonctionné dans le plan qu'on pouvait avoir. Donc c'est quelque chose qui sans doute un peu minoritaire dans les militants que tu vois, mais c'est des trajectoires qui sont aussi intéressantes, et alors des trajectoires dont clairement, l'histoire reste à faire, parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de choses qui sont faites sur ces mouvements, ces militants, et notamment les organisations, tous les gens qui faisaient un peu partie des organisations étudiantes dans la migration, quoi. Oui, pour rajouter un peu quelques points, bon, c'est-à-dire, quand je dis que les organisations étudiantes ont été vraiment des viviers de recrutement... depuis le début des années 60, hein, jusqu'à l'apogée, c'est dans les années 70, où là, on a vraiment une presse d'organisation. Par exemple, il y a un journal du GRS qui s'appelle Le Travailleur Antillais, qui est développé en France. Il y a des luttes, on retrouve des luttes intestines entre fractions rivales à l'intérieur des cercles d'étudiants guadeloupéens et martiniquais pour des contrôles politiques. Enfin, déjà, il y a une partie de la politique de ces organisations-là, jusqu'au début des années 80, se joue dans les cercles d'étudiants caribéens. Par la suite, dans les années 80, et c'est pas tout à fait étudiant, c'est pas tout à fait anodin non plus. On va avoir j'ai l'impression un affaiblissement du message politique, avec en revanche beaucoup d'associations culturelles, mais tu pourrais en parler beaucoup mieux que moi, dans les années 80, qui vont se développer et qui vont continuer à maintenir un peu le lien. Elie Domota, par exemple, est quelqu'un qui a été façonné à la fois par les organisations comme Bicam Jeunesse Guadeloupe, donc Bijengwa aux Antilles, et puis par la suite par les associations d'étudiants guadeloupéens et caribéens à l'IUT de Limoges, dans lequel il faisait ses études en métropole, qui lui ont permis de maintenir quand même un lien, une réflexion politique pendant toutes ces années qui sont un peu des années... des années de reflux pour la lutte indépendantiste et pour l'extrême-gauche, qu'on continuait à maintenir un petit peu le fil de cette histoire de résistance tissée, de cette histoire de ces histoires de lutte et puis de ce rapport à la politique, même si c'était de façon beaucoup plus distanciée, de façon beaucoup moins intense que ça avait pu l'être pendant les années 70. Bon, peut-être... Ouais, pardon. Oui. Mais juste intervenir très rapidement sur ce point. Sous réserve des études à mener effectivement sur la trajectoire des militants syndicaux et politiques, mais il me semble qu'il faut vraiment contextualiser là, du coup, pour les années 80, qui consacrent le parachèvement du processus de conversion, je dirais, des militants politiques en militants syndicaux, du fait précisément de l'affaiblissement du message politique de manière générale et particulièrement aux Antilles. De manière générale, parce que bon, c'est un petit peu quand même la fin, c'est le reflux du marxisme, les années 80, c'est la fin des idéologies totalisantes. Et aux Antilles, que se passe-t-il? Et c'est là que le rapport avec la politique institutionnelle est extrêmement intéressant à analyser. Que se passe-t-il? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez signalé, le moratoire d'Aimé Césaire, on se replie sur la mise en œuvre de politiques de développement à travers les institutions décentralisées. Et tout ça fait que les militants syndicaux qui restent en service, si j'ose m'exprimer ici, vont agir, mais dans un contexte qui a complètement évolué. Ces années-là sont caractérisées par la multiplication de conflits ponctuels à la Martinique, dans un contexte caractérisé par le fait que le préfet, qui dans les années 70 sonnait la charge des troupes, ne dit plus rien. Et à un moment donné, on a l'impression que la préfecture, son rôle, c'est de réguler la circulation du fait d'éclairage qui se multiplie. Ce qui donne une certaine vision du syndicalisme pendant cette période-là qui est assez surprenante. Et d'ailleurs, ces conflits-là, ils sont très durs. Hein. Ils ne sont pas nécessairement des conflits de masse, comme on a connu en 2009, suivis par la population, mais ils sont très durs. Toyota, dans les années, à la fin des années 90, par exemple. À tel point que sera mis en place au tout début des années 2000 un dispositif en matière de dialogue social sous l'égide de la... Oui, l'Institut national qui a organisé depuis la Martinique la troisième session de l'UNTEF, voilà, le nom du sujet. Pour faire face à cette situation qui était devenue dramatique. Et donc il y avait un contexte lequel les luttes syndicales n'ont pas disparu, mais elles avaient un caractère un peu isolé, ponctuel, minoritaire, si j'ose dire, et puis un contexte politique qui lui avait radicalement changé à travers le fait que le pouvoir était exercé par ceux qui, pendant longtemps, ont articulé des revendications autonomistes à la Martinique, et qui, systématiquement, à travers notamment le PPM, sans s'impliquer dans les conflits directement, prenaient position en faveur de ces conflits. Donc, je crois que tous ces éléments de contexte, il faut prendre en considération pour comprendre un petit peu comment les choses se passent dans les années 80. 80, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre tout à l'heure, à savoir que cet affaiblissement du message politique s'accompagne d'une sorte de surinvestissement dans le champ culturel et identitaire avec un foisonnement de mouvements associatifs, aussi bien en Guadeloupe qu'à la Martinique. Alors, bon, juste quelques remarques, puisque j'ai la parole, je ne vais pas la reposer, mais quelques remarques. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse en termes d'hybridation des formes d'organisation, à la fois des mouvements syndicaux et des mouvements sociaux. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il faudrait poser un petit peu dans la direction, à partir de quelques notions qui me viennent spontanément comme ça à l'esprit, la notion de grève marchande, la notion de grève en bas-faille. Là, il y a très clairement combinaison des modèles d'organisation que l'on trouve en France et qui se sont déployés, par exemple, au début du siècle dernier à la Martinique, autour de la CGT et autour du Parti communiste, qui encadrait le mouvement ouvrier. Donc, il y avait combinaison donc, de ces formes classiques d'organisation et ces formes un peu locales, là, le grève marchande, le grève en parfait, comme on dit en créole, et ça, je crois que ça a persisté même après l'autonomisation, qui intervient au tournant des années 50-60, hein, l'autonomisation des mouvements politiques et des mouvements syndicaux à la Martinique. Je crois que ça, c'est de ce point de vue-là, l'analyse est tout à fait juste. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Alors, juste un point de détail, ce n'est qu'un point de détail, effectivement. Je crois qu'il y a un angle mort de la recherche en général qui concerne l'impact, effectivement, de mai 68 aux Antilles. Ça, il n'y a strictement rien là-dessus. Là, l'hypothèse est excellente, mais il faudrait vraiment la vérifier, hein, parce que là, on n'a aucun élément pour le moment. Je voulais simplement ajouter cet élément de détail auquel je faisais référence à l'instant, à savoir que il me semble que dans les années, la fin des années 60, début des années 70, ce qui se passe à Cuba a eu une influence sur les intellectuels antillais qui ont terminé leurs études et qui rentrent à la Martinique. Pourquoi je dis ça? Parce que notamment ceux de la mouvance, pour ceux qui ça puisse paraître, ceux de la mouvance maoïste. Parce que, il me semble que sur les intellectuels, en 68, le régime cubain louche, ça ne va pas durer longtemps, pendant quelques années, vers le régime chinois. Se passe en Chine, et je me rappelle avoir entendu des militants syndicaux reprendre un petit peu sur le modèle militaire qui avait été mis en œuvre à Cuba pour couper la canne avec les micros, etc. Des militants martiniquais dire un peu la même chose, essayer de vendre ça un peu comme les établis là, en France, se rendre dans les champs de canne et chanter des chansons du genre Mambaïlaï, Fokno Koupé Kanna. Mais ça, de sorte que là, il y a eu quelque part une influence cubaine, une dimension un peu géopolitique qu'il faudrait prendre en compte. Toute dernière remarque, notamment la Jumpa Bouillon, auquel Pierre a fait référence. C'est vrai, historiquement cela a existé, mais il ne faut pas exagérer la portée. Vous nous objectez ? Explique-nous là, parce que c'est. La Jumpa Bouillon, c'est une petite commune située au nord de la Martinique, une commune rurale. Paradoxalement, tout comme la révolution socialiste est devenue en Russie au siècle, au XXe siècle, dans une petite commune rurale, on voit un maire indépendantiste, trotskiste. Mais ça s'explique par un contexte politique tout à fait particulier. À la tête de cette commune, il y avait depuis des décennies un très vieux maire qui s'appelait Pierre Dupont. Et se présente un jeune qui s'appelle Édouard Jaïli, qui se réclame ouvertement, il n'a jamais mis son drapeau dans sa poche, qui se réclame de la mouvance indépendantiste. Il a été élu, mais les Bouillonnais n'ont jamais été indépendantistes, loin de là. Donc voilà, ce sont des éléments de détail. Alors, je vais apporter. Oui, je vais revenir un petit peu sur certains points qui ont été évoqués. Oui, je pense que effectivement ce qui a été évoqué par Justin Danet sur les années 80 comme des années où de fin des idéologies totalisantes, de fin du marxisme. De revendicatifs un peu honteux, enfin, du moins qui ont été vécus comme ça par beaucoup de militants d'extrême gauche en France, on observe quelque chose d'assez similaire aux Antilles. Et puis je suis tout à fait d'accord pour tout ce qui a été du domaine de la de cette période du moratoire, des politiques locales, des politiques institutionnelles décentralisées qui laissent beaucoup moins de marge de manœuvre, enfin du moins qui participent à la reconfiguration de la conflictualité sociale dans ces années-là. Pour le conflit de Toyota à la fin des années 90, des années 2000, c'est un conflit, je veux bien en parler parce qu'il est quand même très souvent évoqué par les gens avec qui je me suis entretenu, comme une grève très forte de la fin des années 90, qui me semble être plutôt le fait d'une phase de remobilisation et d'un travail assez appuyé de groupes politiques pour politiser ce conflit au maximum et pour en faire un conflit alors, sans commune mesure avec ce qu'on connaîtra par la suite, ni avec ce qu'ont pu être les conflits des années 70, mais vraiment avec un travail d'implantation syndicale et de soutien à la grève, que ce soit de la CDMT ou de la CGTM, voilà, vraiment dans une phase de qui commence à esquisser des remobilisations, quoi. Et pas forcément comme un conflit dont stratégiquement les militants qui s'y investissent puissent espérer qu'il fasse tache d'huile ou qu'il soit suffisamment clivant pour développer une politique un peu plus large que simplement celle de la lutte contre les licenciements ou pour l'emploi. C'est-à-dire pas sur des revendications strictement syndicales, mais avec derrière une idée de stratégie politique assez claire. Bon, ça demande à être fouillé, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce domaine-là. Sur l'hybridation des formes d'organisation et des répertoires d'action collective. On est face à quelque chose, je pense, aux Antilles, qui est assez compliqué par rapport à tout ce que j'ai évoqué en termes des hypothèses de symétrie et des hypothèses de continuité quand on travaille sur les répertoires d'action collective. Parce que le répertoire d'action collective, donc ce qu'on choisit, les modalités, on peut parler des grèves marchandes, c'est vrai que c'est... ces répertoires d'action, ils sont par nature toujours réinventés. On va toujours invoquer les grèves marchandes comme on invoquait les grèves dans les années 30. Chacun le fait un petit peu à sa sauce, je dirais, pour l'UGTG. Quand on lit les travaux de gens comme Yarimar Bonilia, qui travaille beaucoup sur l'UGTG, on se rend compte qu'elle donne beaucoup de crédit dans un geste anthropologique qui se comprend, mais moi je ne partage pas forcément, à la façon de faire du syndicalisme comme du marronnage, à assimiler la façon de faire grève de l'UGTG à quelque chose qui s'apparente aux formes plus anciennes de conflictualité sociale. C'est tout à fait possible, et il faut le prendre en compte parce que ça vient des acteurs eux-mêmes. Mais après, effectivement, l'hybridité des répertoires d'action, c'est une hybridité qu'emprunte à la fois à des registres de grève qu'on connaît en métropole, enfin, les marches de chômeurs qu'on voit se développer, les marches contre la faim dans les années 30 en Martinique, elles ressemblent quand même aussi beaucoup à des marches similaires qu'on a pu voir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France. Donc l'importation des répertoires d'action, c'est toujours un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. On ne sait pas trop qui a réinventé quoi, qui a mis tel mot sur telle pratique et comment tout ça s'agence. Après, là où ça me semble beaucoup plus sensible, c'est par exemple dans le recours à l'activité émeutière, où là, quand on a des émeutes qui se déclenchent dans les quartiers populaires, alors ça a été le cas en Guadeloupe et un peu dans une moindre mesure en Martinique, mais on a un soutien affiché par les syndicalismes à ce mode d'action, qui se refuse systématiquement à condamner. Ils n'appellent pas forcément au calme, ils disent que la plupart du temps ils ont une posture extrêmement compréhensive. Et là, pour le coup, on a une vraie différence. On n'imagine pas, dans un contexte comme celui de la France métropolitaine, ce qu'on appellerait des débordements ou des casseurs en marge des manifestations, et puis les dirigeants de la CGT ou de la CFDT disant « Oui, c'est très bien, c'est une jeunesse en révolte, et nous la comprenons, nous lui faisons confiance, et voilà. » Et je pense même, pendant la période du LKP, l'UGTG, qu'on connaît parfois pour ses actions... qu'on décrit beaucoup pour ses actions entre guillemets violentes, a été largement un cran en dessous de sa capacité d'exercice collectif de la violence. Tout ça fait par contre partie des spécificités de la contestation aux Antilles. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'exotique, de violent parce que c'est aux Antilles, mais simplement si on transpose des situations un peu similaires avec de l'activité émeutière dans les quartiers populaires. On se rend compte que c'est quelque chose qui fait partie de des possibles envisagés ou des possibles tolérés ou des possibles négociés dans le champ syndical en Guadeloupe et en Martinique, alors que ça fait pas vraiment partie des répertoires d'action envisagés en France. Mais c'est aussi lié. Juste une remarque incidente là-dessus, et là aussi sur l'élément de contexte. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2014, 40 ans après le 14 février 1974, date historique importante, puisque effectivement, il y a eu une grève en février 1974 très importante à Martinique, qui s'est soldée par deux morts et la police tirant sur les grévistes, qui étaient. Effectivement, qui était plus ou moins encadré par les syndicats à l'époque. Et ce matin, j'ai entendu, et je pensais à vous, une intervention d'une actrice, qui a été très investie dans le mouvement, et expliquait comment ça se passait. Vous voyez, un élément qui était pour toi, c'est le rapport aux forces de l'ordre. On est quand même en 1974 et les forces de l'ordre se permettent de tirer sur les grévistes. Quelque chose qu'on n'a jamais vu en France. Jamais, parce qu'on est dans une situation coloniale. Et ça a effectivement une incidence sur la façon de s'organiser, de vivre la grève. Voilà. C'est juste une incidence pour rappeler effectivement cette date importante. Je pense qu'il y a une pression. Il y a une spécificité du contexte colonial et c'est un contexte très pressif. Quand il faut montrer quand on en a la face la plus crue et la plus dure, c'est évidemment sous cette forme-là qu'elle se manifeste. Un autre 14 février, celui de 1952, me semble-t-il, où il y a cinq ouvriers qui ont été tués au moule pendant une manifestation pour les conditions de travail en Guadeloupe, ou ces épisodes de 1974. Pas penser non plus que ces choses-là n'ont pas existé dans un rapport rapproché en France. Les grèves de Sochaux, les grèves de Flins au début des années 70 sont des grèves où il y a des morts, où il y a des morts par affrontement, où la police tire, où on a encore des affrontements extrêmement, extrêmement violents, même en France métropolitaine. L'intervention des forces de l'ordre en elle-même, ça demanderait à être comparé plus systématiquement, mais ça existe aussi. Par la suite, ce qu'on verra en 1983 en Kanaki, laisse à penser au revoir à ceux qui s'en vont. C'est les étudiants, je pense. Et bonne journée. Mais ce qu'on voit en Kanaki en 83 laisse à penser que ça ne s'arrête pas en Martinique non plus en 74. Effectivement, moi quand je parle de l'impact de mai 68, c'est parce que c'est quelque chose qui est très peu évoqué et qui est en filigrane. Pour nombre de mouvements indépendantistes, il ne faut pas parler vraiment du mai français. C'est quelque chose qui s'est tenu à l'écart, qui serait. Ça fait pas partie de l'histoire officielle, en fait. Ça fait pas partie de cet imaginaire. Ça cadre pas, quoi. Ça cadre pas avec la digne lignée du marronnage et des grèves marchandes. C'est pas exactement dans le. Ça fait pas trop partie de la photo de famille. Pourtant, quand on observe à la fois le nombre, les discours des gens qui y ont participé, qui ont été en France pendant mai 68, qui ont été recrutés dans ces occasions-là par les organisations d'extrême gauche, y compris par les organisations d'extrême gauche françaises qui lorgnaient vers ces jeunes diplômés qui étaient souvent les premiers à insister sur les conditions coloniales et puis qui étaient très contents d'avoir des gens dans les services publics pour avoir déjà à l'époque des syndicalistes contestataires à la direction officielle et au PC. C'est des choses qui, à mon avis, en termes de recrutement et de socialisation politique, qui peuvent se vérifier. Après, le lier, comme je le fais, à la politique déployée par les organisations et vraiment aux consignes qui ont été données, c'est peut-être plus... Et puis à la postérité que ça va avoir par la suite dans les syndicats, ça demande à être probablement affiné. Mais pour moi, il y a un impact de mai 68 sur les luttes aux Antilles, quoi. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, c'est quelque chose dont les gens, même des gens qui ont été qui sont d'origine métropolitaine, disent mais non, mai 68 aux Antilles, pas entendu parler, rien du tout. Enfin, pas grand chose. C'est voilà. Entre, grosso modo, entre les émeutes de 67 en Guadeloupe et 74 en Martinique, la vie des organisations ouvrières traverse un espèce de trou noir. Or, à mon avis, c'est des années très très denses et très très importantes pour la politisation de ces jeunes-là. Effectivement, concernant Cuba... Moi, j'avais pas fait le lien, effectivement, avec ce rapprochement promo. Par contre, effectivement, avec la Safra, le 10 millions, et l'effort très très volontariste de la Coupe de la CAN dans les champs, il y a sûrement quelque chose qui participe de cet imaginaire. Moi, j'ai eu des entretiens, notamment avec Édouard de Lépine, où il nous expliquait. Moi, j'étais le premier à aller parler à des ouvriers de la CAN qui parlaient à peine français, à leur faire des discours de Fidel Castro en espagnol. On se rend compte à l'époque du niveau, quand j'évoque un décalage de capital culturel entre ces militants, ces dirigeants d'organisation et puis la base ouvrière des syndicats ou des organisations, ça me paraît assez symptomatique, quoi, ce genre d'événement. Après, les liens avec Cuba, ils sont clairs aussi dans la participation d'un certain nombre de jeunes qui sont en rupture de banc avec la jeunesse communiste de l'époque à la conférence de la Tricontinentale, donc ils vont à Cuba. C'est d'ailleurs un des endroits où naissent un peu les premières conspirations des jeunes trotskistes, guévaristes qui se cherchent un petit peu mais qui sont de moins en moins d'accord avec le PC guadeloupéen et le PC martiniquais. Donc évidemment, Cuba, bon, pour la proximité, pour la mémoire de 54, pour tout un tas de choses, et assez central dans cet imaginaire militant. Et puis, sur le dernier truc, moi, c'est vrai que c'est anecdotique, hein, ces mairies qui sont conquises par le GRS, mais ça me paraît quand même assez symptomatique, quoi. Des mairies tenues par la Ligue communiste à l'époque en France, dans des endroits ouvriers, c'est totalement inimaginable. Alors, c'est vrai que ça concerne très peu de personnes, et c'est anecdotique, mais ça n'en est pas moins assez révélateur de certaines choses, y compris si on doit l'analyser en termes de l'influence et de l'aura qu'avaient ces jeunes, voilà, qui se présentaient aux élections et qui étaient capables de rafler la mise dans des contextes qu'on imagine assez peu accessibles à des militants d'extrême gauche pour l'époque, quoi, ou des organisations d'extrême gauche. Il y a Dimitri et il y a Aurélie aussi. On ne te voit pas, Aurélie ? Ah oui, non, Dimitri. La voix par interne. Bonjour pour l'exposé. Et en fait, je me suis posé des questions sur le syndicalisme en Guadeloupe à partir de la question haïtienne, la question migratoire. Oui. Parce que des Haïtiens m'ont dit qu'ils étaient mal vus depuis les années 70, les grèves de 74, comme des casseurs de grève. Oui. Et je trouvais étonnant la dissonance qu'il pouvait y avoir entre mes parler justement de clivage entre les leaders et la masse des syndiqués. Oui. Cette dissonance entre... d'une part les discours sur les questions raciales, mais aussi tu as parlé des dissonances, enfin des clivages en termes de classe. Et donc je me suis dit qu'il y avait un peu la question migratoire, mais aussi une autre ligne de partage au sein de ce syndicalisme. Parce qu'on parle de solidarité, on parle de tout ça, et en même temps les Haïtiens sont élevés à se mettre dans les années 70. Et après en 83, il y avait les ratonnades anti-dominicains, et je me demandais si c'était le même public. Et on m'a dit que les leaders indépendantistes, on leur avait reproché de ne pas se positionner contre Serratona en 1983. Mmh. Et je voulais savoir si toi, tu n'avais pas vu cette question migratoire surgir dans tes recherches dans les années 70-80. Non. Si elle ressurgit un peu de façon... la question migratoire haïtienne, elle ressurgit pour plusieurs choses, dans des configurations assez... différentes. Alors, il y a d'abord le problème des immigrés haïtiens. Envisager d'un point de vue syndicalisme, et je pense comme face à des dilemmes qu'on retrouve très classiquement dans les syndicats par rapport aux migrants, c'est que, grosso modo, ils font baisser, ils sont accusés à demi-mot, mais un peu quand même, de faire baisser le niveau des conventions collectives. C'est-à-dire tout ce qui a été les fronts du syndicalisme. Casser le travail journalier, en finir avec le travail journalier, en instaurer la protection sociale, enfin tout un tas de choses. Évidemment, quand les travailleurs haïtiens acceptent, poussés par les conditions économiques, de travailler de façon journalière, de façon non déclarée, de façon... Il y a des réticences du point de vue des responsables syndicaux à faire un effort de syndicalisme systématique envers ces populations, ou les difficultés, bon, les incompréhensions culturelles et les tensions qu'on peut sentir. Après, il y a aussi tout un travail plus systématiquement de solidarité politique avec les réfugiés, qui est un autre volet de la migration haïtienne, et qui là va concerner beaucoup plus les mouvements, on va dire, d'extrême gauche, vocation internationaliste, quoi. Les héritiers des mouvements trotskistes, notamment, vont être assez investis dans la cause des sans-papiers haïtiens et dans la cause des sans-papiers dominicains. Alors, je pourrais pas dire exactement où sont les lignes de clivage, mais il y en a eu. Notamment les années 80 en Guadeloupe. Faut jamais oublier, quand on parle des indépendantistes dans les années 80 en Guadeloupe, on va sur un spectre politique qui va de l'extrême-gauche qui fait encore des attentats, qui participent encore à des attentats à la bombe, jusque à des gens qui sont partisans du grand coup de main avec Michaud Chevry et avec la droite, dont les politiques envers les immigrés haïtiens ne sont pas connues pour être forcément les plus accueillantes et les plus progressistes, quoi. Pas d'effort d'intégration fou furieux non plus. Voilà, de qui on parle quand on parle de ces courants politiques indépendantistes, peut-être de certaines fractions de l'UGTG, hein, possiblement de certaines factions du PSG aussi, mais en tout cas ça a dû faire débat à l'intérieur de ces organisations. L'UGTG, bon, par ailleurs, pendant les années 80 et pour certains courants encore, a des politiques très nationalistes au sens strict, c'est-à-dire qu'on stipule qu'on syndique aussi des Français, aussi des Martiniquais, aussi des Haïtiens, mais ce sont des aussi. Alors, on syndique d'abord des Guadeloupéens. Et puis, éventuellement, on rechigne à faire grève quand un patron est guadeloupéen. On essaie de trouver des solutions à l'amiable. Et parmi les solutions à l'amiable, y compris pas les plus avouables, il est possible que la mise à l'écart des travailleurs immigrés en ait fait partie, quoi. Mais ça demande effectivement à être investigué de façon systématique. Tu sais, pour rebondir à la fois sur ce que dit Dimitri et puis aussi par rapport à ce qu'a dit Justin tout à l'heure, tu sais, dans les années 2000, avec la fameuse affaire Yves Simon en Guadeloupe, je trouve que là aussi, il y a eu un très très bel exemple d'unité politique, syndicale, etc., avec la contre-manifestation, donc, qui était donc une manifestation qui a été organisée contre les manifestants pro-Yves Simon à Pointe-à-Pitre. Il y avait, je ne sais plus, 5000 personnes ou 6000 personnes dans la rue qui clamaient tous « Nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous descendants d'esclaves et nous sommes tous caribéens. » Et tu vois, là, il y a eu un moment d'unité absolument extraordinaire en Guadeloupe. Et c'était vraiment pour défendre les haïtiens qui avaient été complètement... maltraité, malmené par Yves Simon et ses partisans. Après, je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Justin tout à l'heure par rapport à la relation à la force publique. Pareil, en Guadeloupe, c'était en, je ne sais plus, 2001, si je me souviens bien, l'affaire Ramassami. Oui, Ramassami, oui. Un petit peu là-dessus. Oui. Il y a eu quand même là un événement assez, assez étonnant. Je veux dire, Pointe-à-Pitre était à deux doigts de tomber dans une émeute inimaginable. Hein. Ramassami avait été mis en garde à vue, les forces de police étaient autour du commissariat, et c'était statu quo. Personne n'osait bouger, et en même temps, tu entendais aussi des réactions de Guadeloupéens qui disaient « mais on est dans un état de non-droit ». Et donc, ce serait sûrement analyser ce rapport aux forces publiques. Quoi. Et là, on sentait bien que côté français, on n'osait pas intervenir. Hein. Non, pour le dire brutalement, ce qui se passe là, ce qui se joue là, c'est que les préfets ont reçu des consignes très précises pour ne pas envenimer des situations qui peuvent dégénérer. Pour le dire encore plus brutalement, on est encore dans cette situation-là. Il y a une peur terrible au niveau central de ce qu'on appelle aujourd'hui les Outre-mer. On ne sait pas comment les gérer. C'est ça, aussi bien au ministère des Outre-mer qu'au ministère de l'Intérieur, on ne sait pas quoi faire. Dès lors qu'il y a Juvenile, comment s'appelle déjà là ? Juvenile Rémy, il dit trois mots, tout de suite, on est au courant à Paris, on tremble dans les ministères. Voilà la situation actuelle dans les Outre-mer. Oui, mais ce qui me paraissait intéressant dans l'affaire Ramassani, c'est que ça faisait pas l'unité en Guadeloupe. Tu vois, qu'il n'y a justement pas d'intervention. Enfin, voilà, moi, c'est peut-être. Moi, j'étais à ce moment-là, donc j'étais bien à l'écoute de ce qui se passait. Donc, c'était pas un travail de recherche, mais je trouve que c'est peut-être des choses intéressantes à regarder de près, quoi. Ce qui s'est passé comme enjeu à ce moment-là. C'est vrai que je réponds assez rapidement sur l'affaire Ramassani, mais. Michel Manassami, qui est une figure très connue du syndicalisme indépendantiste et qui était aussi, c'est pas tout à fait un hasard, responsable du service d'ordre de l'UGTG, a été accusé pendant l'occupation de la Sahara en 2001 d'avoir molesté 16 gendarmes. Donc, c'est assez improbable. Je sais pas si vous avez déjà vu Michel Manassami, mais il fait à peu près 1m60 ou 1m65. Il est accusé d'avoir molesté 16 gendarmes. Et donc, il a été interpellé dans son domicile. Et ce qui est très, très problématique, c'est qu'il y a une espèce de stratégie de tension dont on ne peut pas totalement évacuer l'idée que la préfecture en a été informée. Ils ont fait tourner Manassami dans son fourgon à travers les rues de... du Rézé et de Pointe-à-Pitre. Et donc là, ça a commencé à cliver énormément. Et par la suite, c'est un des premiers efforts effectivement de décloisonnement intersyndical, une des premières intersyndicales en Guadeloupe où l'UGTG et d'autres syndicats s'associent, c'est les manifestations en soutien à Manassami. Et s'en suivent les 1er mai unitaires dénonçant la répression contre les militants syndicaux en Guadeloupe. Encore une fois, le contexte fait que c'est quelque chose de massif. Hein, des premières choses quand on rentre dans le cadre du GTG, c'est l'affiche qui trône avec les membres de la direction et les condamnations ou ce qu'ils encourent comme peine de prison avec Pamaillé syndicaliste. Et voilà, c'est quelque chose de très très présent. Quoi. Mais c'était pas de cette affaire-là dont je parlais. Moi, si je parlais de l'affaire quand un commando caboulé est allé dans une petite supérette aux Abîmes, le jour de la commémoration de l'abolition. Et la supérette était ouverte, et donc ils ont tout cassé, les caisses enregistreuses, ils ont tapé sur les employés, etc. Moi, c'était de cette affaire-là dont je parlais. Non, c'est une... hein, là, je veux dire, il y avait les vidéos, on l'a reconnu à ce moment-là. Voilà, ça faisait pas tout à fait l'unité. Ah non, ça faisait. Non, mais les actions de l'UGTG de fermeture un petit peu forcée de magasins pour les 26 et 27 mai sont effectivement. Fait partie des choses qui clivent pas mal et qui rendent pas forcément l'UGTG immédiatement sympathique aux yeux de la plupart des Guadeloupéens. En revanche, après, la façon dont Michel Nassami a été interpellé, les chefs d'inculpation complètement abracadabrantesque et nous avait beaucoup retourné, mobilisé l'opinion. Donc, on est toujours sur des registres compliqués, quoi, où à la fois on trouve qu'on décrit l'UGTG comme en faisant trop, on la craint, on la diabolise, et en même temps on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de profondément de trop violent à son encontre, quoi. De quelque chose d'un peu injuste envers le syndicalisme qui est prôné par l'UGTG. Même si, effectivement, c'est plein de contradictions, quoi. Tu voulais prendre la parole, Roger? Oui, peut-être pour revenir un petit peu sur le. Ah, pas de juste un petit coup. Oui, peut-être trois règles sur l'ordre socio-historique. Je crois qu'effectivement, dans les années 70, c'est là qu'il y a un grand tournant dans la construction du mouvement syndical, mais qui a une vocation, enfin, en tout cas, qui a une rhétorique beaucoup plus portée sur l'anticolonialisme. Et quand tu parles des clivages qu'il y a, alors peut-être que c'est intéressant de voir un peu des différents types de syndicats, parce que tu vois un courant. Alors, comme ils sont assez fortement impliqués avec des orientations idéologiques qui peuvent être différentes, on aura un courant qui va se développer, qui est plus anticolonialiste, mais sans avoir de référence plus explicite en termes de marxisme, etc., qui va se développer autour de Agasta, Pulva, etc., structuré plutôt autour du MIM, disons, des militants, de ceux qui de le MIM. Bon, dans les années 70, c'est quand même l'émergence de plein de petits groupuscules indépendantistes, hein, qui sont assez localisés géographiquement. Donc, en dehors du MIM, bon, il y a GAP, le groupe Septembre 70, les Marronnais, enfin, dans plein de communes, on a des petits groupes comme ça qui sont assez localisés. Donc, on aura cette émergence à la suite de la formation du MIM. On a cette émergence de la CSTM. On a l'émergence aussi dans les années, à partir de à la fin des années 60, donc début des années 70, où tu as effectivement des étudiants qui sont revenus de France, qui ont connu les 68, comme tu dis, qui ont été formés syndicalement dans des organisations étudiantes comme l'AGEM, qui ont été aussi politisés par tout ce qu'il y avait comme courant. Enfin, les indépendances de l'époque, le maoïsme, etc. Donc tu vois le l'UTAM qui se forme en 70 avec la grève dans la CAN, où explicitement, effectivement, il se positionne en opposition, en tout cas en se distinguant complètement de la CGT, puisqu'ils estiment qu'à l'époque, la CGT serait, entre guillemets, un petit peu collaborationniste, et qui s'intéresse beaucoup plus aux conditions des ouvriers agricoles de l'époque. Et donc là, on aura plus un courant de type marxiste-léniniste, maoïste, donc l'UTAM qui va donner l'UTG, mais qui aura tout un mouvement assez peu unité, etc., qui va se développer. Et concernant le trotskisme, il me semble que l'influence en termes organisationnels était nettement moins importante à ce moment-là. Par contre, bon, c'était plus. La politique de tantrisme, entre guillemets, dans des organisations syndicales existantes. Donc, c'est beaucoup plus vers la fin des années 80 qu'on va voir apparaître des figures comme Joachim Charandeau. Bon, Philippe Pierre-Charles, les membres du GRS, c'est vrai qu'ils ont un poids, mais qu'ils font des interventions, Ils ont plein de problèmes organisationnels extrêmement importants au départ. En revanche, ils ont une présence effective chaque fois qu'il y a des grèves. Ce qui explique d'ailleurs leur présence assez importante en 2009. Et c'est intéressant de voir les différents clivages. C'est intéressant aussi de voir les trajectoires. Parce que le fait qu'il y ait eu la décentralisation, la mise en place des assemblées décentralisées, qu'un certain nombre de militants qui étaient des militants politisés, mais qui étaient avant tout des leaders syndicaux, se mettent, soient présents dans les assemblées, je pense à quelqu'un comme Marie Sainte, en fait, on aurait moins de présence de la CSTM, par exemple, dans les luttes syndicales. On peut penser aussi à des gens comme Mondésir, qui se retrouvent au conseil régional. On a un certain nombre de personnes comme ça. Et ça explique peut-être ce que tu disais concernant la distinction entre Guadeloupe et Martinique. En Guadeloupe, on a ouvertement des gens qui disent que les politiciens, il ne faut pas compter sur eux. Alors qu'en Martinique, on a des gens qui sont quand même rattachés au mouvement syndical, mais qui sont quelque part aussi aux commandes des assemblées politiques à ce moment-là. Donc il y a effectivement tous ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte. Mais je trouve que ton intervention est effectivement extrêmement riche, extrêmement dense, et donc ça mérite d'être approfondi. Merci. Bon, ben merci beaucoup. Peut-être que tu avais... Ah oui. Non, là, ça va. Oui, pas... oui, ça va. C'était pour savoir si c'était effectivement par ces éléments-là qu'on pouvait expliquer la différence aussi. Enfin, on a parlé quand tu étais à Martinique, mais le contact que tu faisais du caractère quand même très vieillissant de la base des syndicats, des militants syndicaux à la Martinique par opposition à la Guadeloupe. Est-ce que c'est lié effectivement à ces liens-là, à la différence par rapport à la politique institutionnelle, au fait qu'il y a des formes protestataires qui sont des formes peut-être moins attrayantes? Et est-ce qu'il y a du coup un questionnement là-dessus de la part des syndicats et une réflexion sur les actions à mener, sur les choses à faire pour rajeunir un peu la base militante? Oui, il y a des questionnements sur les aires de syndicalisation, mais alors, quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui me paraît un facteur explicatif assez important du vieillissement des organisations syndicales, et qui est peut-être moins le cas en Guadeloupe ou de ce rapport à la politique institutionnelle, c'est précisément en Martinique cette façon qu'ont eu les militants d'extrême gauche de s'insérer dans les syndicats s'est fait sur un modèle qui est celui de l'intervention systématique, où en fait les responsables syndicaux interviennent dans des domaines socio-professionnels qui ne sont pas les leurs, sans que ce soit questionné ou que ça se pose de problème. Donc pas forcément avec une implantation complètement diversifiée, et ce que fait l'UGTG, c'est des responsables systématiques qui sont vraiment des ponts de l'orga à des endroits donnés, mais avec des interventions, donc avec des militants syndicaux, des responsables qui sont toujours sur un modèle un peu activiste quand même, qui sont un peu par Mons et par Vaux, et qui se préoccupent de maintenir une activité syndicale, y compris contestataire, mais sans forcément se donner les moyens d'avoir une politique de formation et de recrutement, voire qui ont tendance à orienter systématiquement les gens qui rentrent dans le syndicat vers une organisation politique. Je pense honnêtement que c'est en partie ce que fait Combat Ouvrier à l'intérieur de la CGT Guadeloupe ou de la CGTM, avec plus ou moins de bonne fortune. En Guadeloupe, le fait que l'UGTG ait diversifié et cherché à diversifier systématiquement son implantation militante, le fait qu'elle ait cherché à former des jeunes assez vite, à recruter aussi dans tous ces milieux ici, donc, qui sont un peu parasyndicaux, enfin, tous ces foisonnements d'associations culturelles dans lesquelles l'UGTG recrute, peut participer aussi à expliquer que le renouvellement de l'organisation se soit assuré de façon un peu plus harmonieuse que ce qui a été le cas en Martinique. Après la génération guadeloupéenne n'est pas de toute première jeunesse non plus, mais on a des quarantenaires, cinquantenaires, là où en Martinique on a des gens qui pensent sérieusement à prendre leur retraite, voire qu'ils l'ont déjà prise et qui continuent à être trop syndicalistes, quoi. Effectivement, cet effet de vieillissement Moi, je pense que l'activité syndicale et politique menée de front et dans des domaines de socio-professionnels très très divers en même temps laisse pas beaucoup de place pour organiser une politique de syndicalisation. Et puis bon, avec toutes les difficultés qu'on connaît aussi, maintenir une syndicalisation dans les secteurs publics où les contrats sont relativement stables, c'est plus simple. Aller étendre la syndicalisation, même si c'est dans les objectifs des syndicats, parmi les précaires, les chômeurs, ceux qui jobent, ceux qui ont des contrats de travail intermittents et qui sont précaires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que la précarisation du travail en soi, en Guadeloupe et en Martinique, joue aussi sur la syndicalisation et la difficulté à recruter. Mais effectivement, la politique de recrutement des organisations pose aussi un certain nombre d'exigences, de prérequis, voilà, un investissement aussi qui est très très coûteux en temps, en énergie, et bon, que peut-être pas tous les jeunes sont prêts à assumer quand ils viennent d'avoir un travail ou quand ils sont en passe d'en avoir un, quoi, ce qui n'est pas évident aux Antilles pour beaucoup de jeunes. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je me demande si on n'est pas en ce moment dans une phase vraiment de réappropriation de cette histoire sociale. Pendant longtemps, il n'y avait pas de travaux ou si peu de travaux sur cette histoire sociale. Et là, il y a ta thèse, mais il commence à y avoir des éléments qui se mettent en place. Et entre autres, avec la réalisatrice qui a fait Modège. Il y a un film sur Chalvet qu'on passe ici dans 2 mois. De cette histoire-là, parce qu'elle en est à son troisième ou quatrième film. Là, il y a eu les 16 de Basse-Pointe, il y a eu Lojin, il y a Chalvet. Qu'on passe d'ailleurs à Lille 3 bientôt, si vous voulez venir. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'espèce de construction de figures héroïques. Par exemple, il y a quelques mois, et figures héroïques qui ne sont peut-être pas seulement d'ailleurs que martiniquaises ou guadeloupéennes. Il y a quelques mois, M. Plenel a été invité pour une conférence ici, mais c'était ahurissant. Je veux dire, ça a été un hommage collectif par rapport à, en remerciement par rapport à sa posture qu'il a eue en 59. Et t'as toutes les figures du syndicalisme, des mouvements politiques qui se sont levés à la queue-leu pour lui rendre un hommage. C'était incroyable, tu vois, c'était d'une émotion, c'était assez déroutant aussi, tu vois, de voir, voilà, comme si tout d'un coup, il faisait partie des héros de ces luttes-là. Et moi, à mon avis, ça participe à une sorte d'appropriation. Je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. C'est une question de mémoire. Comme... Bon, on verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette troisième séance. Je suis toujours très heureuse à la fin de séminaire. Alors, j'ai quelques petits mots peut-être... individuels. Coucou maman. Isabelle, je t'ai pas répondu. Oui. Parce qu'en fait, je rentre 2 jours avant des États-Unis pour ce séminaire. Donc, il faut que je me renseigne pour savoir si on a une salle de visioconférence de disponible. Mais sinon, sur le principe, moi, je suis complètement d'accord. Mais voilà, je te dis ça vraiment dans les quelques jours qui viennent. Et Aurélie, je t'écris aussi dans le week-end pour nos petites affaires. Voilà, bah, merci en tout cas pour cette séance. Merci encore à Pierre d'avoir participé. Tout à fait, oui. Alors c'est... Non, c'est... C'est pas ça, oui. Là-bas, c'est pour lui. Justin avait proposé le mercredi 26. C'est le mercredi ou le jeudi? C'est le mercredi, finalement. C'est le mercredi, je crois. C'est le mercredi, parce que le jeudi, je suis en Guadeloupe le jeudi. J'ai une réunion du français scientifique que je ne veux pas manipuler. D'accord. Et ce serait à... Oui, c'est possible. Ce serait à quelle heure? Ah, voilà. Quelqu'un a appuyé sur un bouton. On réglera ça par mail alors. Mais ça se trouve, ils nous entendent là, vous nous entendez? Allô? Allô, bon. Chaucheur? Bon, bah ça. Allô, Chaucheur? Si, on vous en... Non. Si. Alors, ce serait à quelle heure? C'est à 14h30, c'est ça? L'après-midi, à partir de 14h, 14h30. D'accord. Est-ce que c'est... On va confirmer par mail. D'accord. Si c'est possible, 15h, ça m'arrange juste parce que comme j'ai 5 jours aux archives et qu'elles ferment à 16h30, j'aimerais autant y passer le plus de temps possible. Donc, si c'est possible 15h, ça me laisse un petit peu plus de temps, si ça vous va. Bon, ben, disons 15h. Il n'y a pas de souci. Hein. On est à d'accord. Ah bah sinon on s'écrit, bah écoutez, sinon c'est 14h30, à une demi-heure près ça ira, on dit, on s'écrit si c'est 14h30, c'est 14h30. Bon bah écoute, on en reparle par mail, en tout cas je vous vois bientôt, et puis très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, allez, à bientôt. Ciao. Ah, c'est maman qui était là. On l'a reçu. Attends, comment on fait après? Il doit y avoir un prof quelque part. Elle n'est pas claire cette télécommande. C'est marrant comme truc, hein? Ouais, c'est assez particulier. Ouais, c'est assez bizarre. Des gordiens la semaine dernière, qui était tout. Qui n'est pas très longtemps, ouais. Mais il était un peu. Un peu perturbé par le truc. Surtout que tu sais, d'avoir personne ici. Enfin, on avait deux personnes ici du CERAPS, mais qui s'intéressent aux questions de droit colonial, des historiens du droit. Et. Effectivement. Voilà, c'est le truc que je dis, c'est qu'on n'aura pas grand monde. Peut-être que le faire à Paris, ça amènera plus de monde, mais l'idée, c'est vraiment plus de garder des traces quoi, pour tous ceux qui ne peuvent jamais venir au séminaire. Parce qu'à Paris, le problème, c'est. Penser l'émancipation à Nanterre. Non, c'est quand? Eh ben, c'est...